Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu anibariki. Comme je l'avais déjà annoncé il y a deux semaines. Waka vile alitangulia kuitangaza kuna kwa majuma mbili. L'homme de Dieu Chanza est arrivé depuis ce matin. Mutumishi wa Mungu Chanza alifika tangia asubuhi. C'est lui qui prendra la chaise jusqu'à dimanche. Ni yeye atachukua mimbari kufika na msiku ya yenga. Est-ce que l'église de Cambove est dans la joie de le saluer et de le recevoir au nom de Jésus-Christ? Eti kanisa Cambove mungu mfuraha ya kumpokea na kumsalimia mjina Bwana Yesu Kristo. Sentez-vous chez vous. Mungu akubariki huku ni kwenu. Utachukua dakika yako tano ile tuna huku na saa nzima. Kijeo benis. Mungu amibariki. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Nami salimia nini wote mujina Yesu Kristo Bwana wetu. Et nous saluons aussi les frères et les sœurs qui nous suivent en ligne au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia pia banduku na badada wale wanatufuata mujia internet mujina Bwana Yesu Kristo. On n'a pas le temps à perdre. Hatuna na wakati ya kupoteza. On se met debout pour la lecture. Tutasimama bwima juu ya usomi wa neno la Mungu. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Tufungule mabiblia yetu mukitabu ya ufunuo. Apocalypse chapitre 20. Ufunuo sura yake ya makumi mbili. Nous lirons depuis son premier verset. Tutasoma kuanzia mstari yake ya kwanza jusqu'à son verset 6. Kufika na mstari yake ya 6. Avant cela, nous prions. Mbele ya ile tutaomba. Baba na kuomba. Omila mule Tout-Puissant. Bwana Mungu wa uwezo wote. Au nom de ton fils bien-aimé Jésus-Christ. Mujina mwana kumpendwa Yesu Kristo. Nous te bénissons. Tunakushukuru. Nous te louons. Tunakusifu. Et nous t'exaltons. Na tunakushangilia. Puisque tu en es digne. Kwani wewe unaistahili. Oui, Père. Ndiyo, Baba. Depuis les jours qu'on s'est séparé avec le bien-aimé ici dans cette église. Tangia siku tuliachana na bapendwa umu mwi kanisa. Tu as été bon pour chacun de nous. Ulikuwa mwema kwa kila mmoja wetu. Oui, Seigneur. Ndiyo, Bwana. Tu l'as été à l'égard de chacun de nous. Ulikuwa mwema kwa kila mmoja wetu. Puisque à cette heure. Kwani mwi wakati. Il y en a qui sont dans l'au-delà. Kukubale banesha kwenda mwile fazi ingine. Les uns te ont connu. Bengine kisha ukujua. Et les autres ne t'ont pas connu. Bengine nabo aba ukujue. À cette heure, ils descendent dans les profondeurs des ténèbres. Mwi wakati beko na shuko mashimo ya magiza. Gémissant et pleurant. Benye kuugua na kulia. Fini comme espoir du salut. Kunaisha, kuna tena tumaini juu ya kokolewa. Mais à nous. Alakini kwetu sisi. Jusqu'à cette heure. Kufika na hii wakati. Tu cherches à nous parler. Unapenda tena utuambie. Pour nous amener à la repentance. Juu tusukume mkukutubu. Pour reconnaître tes voies. Ili tutambue manjia zako. Pour te servir. Ili tukutumikie. Et t'adorer comme le Père le réclame. Na tukuabudu vile Baba anahitaji. Oui, Père. Ndiyo, Baba. Nous avons trouvé grâce. Tulipata neema. Et nous croyons que tu vas nous parler. kwamba utasema nasi. Seigneur Dieu tout puissant. Bwana Mungu wa uwezo wote. Nous sommes venus en ta présence. Tulikuja muwepo wako. Et encriplé par des problèmes. Venye kuangamizwa na mamambo. Des douleurs. Maumivu. Des péchés. Na mazambi. Des faiblesses. Na mauzaifu. Mais Dieu c'est tout puissant. Lakini Mungu wa uwezo wote. Et Dieu des impossibilités. Na Mungu wa mambo yasiyowezekana. Nous avons échoué. Ile si tulishinda. Tu as payé pour nous. Wewe ulilipa juu yetu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Parle à nos cœurs. Useme na mioyo zetu. Parle l'écoute de ta parole. Usikie neno lako. C'est ta voix par excellence. Njia yako ya kabaila. Tu ramènes le pécheur par ta parole. Unarudisha watenda dhambi kupitia neno lako. Tu redresses ceux qui sont courbés par ta parole. Unanyolosha wenye kunjama kupitia neno lako. Tu relèves ceux qui sont tombés par ta parole. Unalamusha wenye kuanguka kupitia neno lako. Oui Seigneur. Ndio Bwana. Nos chutes le peuvent nous séparer de toi. Kuanguka kwetu hakuwezi kututenganisha na wewe. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nous allons lire des énigmes. Tutasoma mafumbo. Ça demande ton esprit pour les interpréter. Unalomba roho yako juu ya kuitafsiri. Ferme ma bouche à mes propres pensées. Ufunge kinywa changu kwa mawazo yangu. Descends et parle à ton peuple. Ushuke na useme na taifa yako. Je crois que cette église t'appartient. Namini ya kwamba kanisa ni yako. Et le don que tu vas utiliser, il est à toi. Na zawadi utatumia ni yako. Fais-le pour notre édification. Uifanye juu ya kujengwa kwetu. Et pour notre joie. Na juu ya furaha yetu. Du début à la fin, nous avons besoin de toi. Mwanzo na mwisho tunakuhitaji wewe. Bénis le conducteur de cette église. Ubariki kiongozi wa kanisa. Ils ont fait confiance pour qu'on puisse nous permettre de parler à ton peuple. Ulari tutumainia juu tuseme na taifa yetu. Fais que nous puissions parler avec respect et considération. Ufanye tuseme na heshima na épouse ta partie. Merci. Asanti. Gloire. Sifa. Honneur. Heshima. Au siècle des siècles. Milele na milele. Sois à toi. Ikwe kwako. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous lisons. Tuko na soma. Oui. Kisha. J'ai vu descendre du ciel un ange. Nikaona toka mbingu malaika. Cet ange avait la clé de l'abîme. Uyu malaika alikuwa na fungulo ya shimo. Et une grande chaîne dans sa main. Na munyororo munene kumikono yake. Amen. Amina. Il y a une précision. Kukwa kikisho. Ce n'était pas un homme. Asikuwe mtu, ni un animal, wala nyama, mais un ange. Alakini alikuwa ni malaika. L'ange, malaika, dans la Bible, mu Biblia, signifie un envoyé. Manake ni mutume. Sont les esprits au service de Dieu. Ni maro yenye kumtumikia Mungu. Mais cet ange, alakini huyu malaika, descend avec une particularité. Anashuka na upekee moya. Une grande chaîne. Na munyororo mwa munene sana. Une clé. Na fungulo. Les deux ont des significations claires. Ibi vitu biwili bikuna maana ya wazi. La clé. Mfungulo. C'est pour ouvrir. Nijua kufungula nayo. Et c'est pour fermer. Na nijua kufunga nayo. La chaîne. Munyororo. C'est pour lier. Nijua kufunga nayo. Et mobiliser. Na kusimamisha kitu kishitenke. Alleluia. Amina. Il saisit le dragon. Akamushika ule joka. Le serpent ancien. Unyoka wa zamani. Qui est le diable et serpent. Mwenye kwa diabolo na. Qui est le diable et le satan. Mwenye kwa diabolo na shetani. Et il le lia pour 1000 ans. Nakamufunga kamba kumiaka elfu. Il le jeta dans l'abîme. Na akamutupa mushimo. Amen. Amina. Il le jeta dans l'abîme. Masha mutupa mushimo. Le diable. Shetani. Satan. Shetani diabolo. L'ennemi de Dieu. Adui wa Mungu. Lui qui était maître de l'abîme. Yaru kwanjo bwana wa shimo. Lui qui enfermait les autres dans l'abîme. Je ou l'arquoi na funga bengine mushimo. Mais ici, ça s'appa. C'est lui. Ni yeye. Qui est arrêté. Yenjo wana bamba. Lié. Wana mufunga. Et jeté dans l'abîme. Na kumutupa mushimo. Alléluia. Amina. Qui es-tu? Ekunani. pour te proclamer puissant éternel. Juju tangaza sema kuwa uwezo na wa milele. Non. Hapana. Un seul et tout puissant. Mmoja tu ni wa uwezo. Éternellement. Wa milele. C'est notre Dieu. Ni Mungu wetu. Oui, mes frères. Dieu va ndugu zangu. Toute créature. Kiumbe kyote. A un commencement. Et il aura une fin. Na kitakuwa na mwisho. Tout pouvoir. Uwezo wote. A un commencement. Aura une fin. Kitakuwa na mwisho. Tout trône. Kitu yote. A un commencement. Et aura une fin. Kitakuwa na mwisho. Seul. Peke yake. Seul. Peke yake. Le trône de Jésus. Qui demeure éternel. Jo itadumu milele. Alléluia. Amina. Qui que tu sois, quelle que soit ta qualité, sois humble. Ukuwe munyenyekevu. Alléluia. Amina. Qui que tu sois, quel que soit ton pouvoir, ata kama na ta force, ou ta master, wala unene sois wako. Humble. Ukuwe munyenyekevu. Tout ce que tu es, yote uko. Tout ce que tu as, yote il y a un homme qui te l'a donné. Il est aussi capable de te le retirer. Alléluia. Amina. Ce que tu as, c'est pour un but. Cherche à le connaître. Umutafute mujue. Si tu t'enorgueilles, kama ujifanye kiburi, celui-là, ule, fait te le retirer. Ata kunyanganya. Dans sa main, mumukono il y a tous les pions. Alléluia. Amina. L'église est avec moi. Et tu gagnes la foi. C'est très grave. Ni atari. C'est même horrible. Iku tena ya kugopesha. Pourquoi l'homme peut s'enorgueillir? Je n'ai rien mutu anawezi kujivuna. Qui n'est pas éternel. Auna wa milele. Qui n'est pas tout puissant. Auna wa uwezo wote. Qui ne peut pas tout. Auwezi biote. Il y a un seul. Huku mmoja tu. Qui peut tout. Je mwanaweza biote. Je l'ai dit du fond du cœur. Notre Dieu Mungu wetu est capable de changer un homme en animal. Oui. Notre Dieu est capable de changer une chose inutile et de la rendre noble. C'est à celui-là que nous devons notre adoration. C'est à celui-là Joule que nous devons notre genou. Tunapashi magoti yetu kumpigia. Oui, mes frères. Dieu va nous guider. Aussi, ce n'est pas moi. Tena ina miye. Cette église. I kanisa. Ne serait pas. Oh, kama iku kwemi i kanisa iku pashiku ya kile iko. C'est une séduction. Ile ni utongozi. Oui. Dieu. Si ce n'est pas Jésus, kama ina Yesu, l'église ne serait pas ce qu'elle est. Kanisa iku pashiku ya kile nous iko. Tous. Shibote. Nous tous. Shibote. Nous sommes des serviteurs inutiles. Tumishi babule, babule. Basho mafa. Continuons la lecture. Tuendele na usomi. Il le jeta dans l'abîme. Akamutupa mushimo. Ferma. Na kafunga. Et cela l'entrée au-dessus de lui. Na kuweka muri pale yulu yake. Enfin qu'il ne séduise plus les nations. Ili ashipate tena kutongoza mataifa. Jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Ufika na pale miaka elfu ieneye. Après cela. Jisha ile. Il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Inafasha funguliwe kwa muda tu kidoko. Alléluia. Amina. Par ceci, comprenez que Pai, mwelewe ya kwamba, tout esprit royote, et tout homme na mutu ote, sont les serviteurs dans le main de Dieu. Ni batumishi mu mikono ya Mungu. Même le diable hata mwenye shetani travaille pour l'accomplissement du plan de l'Éternel. Eko natumika jua kutimiza mapu ya wa milele. Alléluia. Amina. Même les démons, hata mademona, ils ne peuvent pas travailler en dehors des ordres de l'Éternel. Nje ya agizo ya wa milele. Oui. Ndiyo. Qui tombe malade. Unagonjwa. Puisque Dieu. Ni juu Mungu. Cherche à manifester. Anapenda kuonekanisha. Son activité de guérisseur. Kazi yako ya mponyaji. Alléluia. Amen. En quoi la maladie est-elle mauvaise? Magonje kumbaya munini? Non. Apana. Et la maladie? Na magonjwa. C'est pour notre bien. Dieu a bisuri bien tout. Amen. Alléluia. Amen. Dieu il est médecin. Mungu yeye ni munganga. Comment il peut guérir? Asa tatunza je. Si on tombe malade. Kama tugonjwe. Dieu est juge. Mungu ni mwamzi. Comment il peut juger? Atamua je. Il n'y a personne qui pêche. Kama kuna mutu la ritenda zambi. Nous vous encourageons de pêcher. Eti tunamitia pour que notre Dieu vous juge ce jour-là. Ah, tunamitia moyo mwendele kufanya zambi. Juu ile siku Mungu wetu amehukumu. Ndio. Haushiki yake. Tu n'écoutes pas. Un jour. Continue à pêcher. Tu vas le croiser. Siku moja utakutana naye. Sawa mwamzi. Et la Bible dit. La Bible inasema. C'est terrible. Ni hatari. De croiser Dieu na Mungu, comme juge. Na tout dépend de ta conscience et de tes actes. Yote kunangalia tu zamiri yako na matendo yako. Amen. Alléluia. Amina. Je demanderai à l'église de me supporter. Taomba kanisa mupate kunivumilia. Je vous parlerai. Tamiambia non comme les humbles serviteurs de Dieu. Apana sa watumishi ya Mungu banyenyekevu. Avec leur grand ministère. Na ile mautumishi yao minene. Pasteur. Ya bu pastori. Ceci et cela. Na bile na bingine. Moi je vous parlerai. Alakini mimi tamiambia. Comme votre frère Chansa. Sawa nduku yenu Chansa. Ayant aussi. Mwenye kuwa naye. Mon mandat. Na kazi yangu. Quatre. Et je vis des trônes. Nikaona tena biti ya enzi. Des trônes. Biti ya enzi. Et à ceux qui s'y assurent. Na vale varika la paile biti. Si donner le pouvoir de juger. Balipe wa rusa ya kuhukumu. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui s'y assurent reçurent le pouvoir de juger. Un juge ou un magistrat doit être digne de confiance. Vous me suivez? Je suis libre de déclarer ya kusema, le retrait de mon dossier dans le main des magistrats ya kutosha, qui n'inspire pas confiance. Ya kusema mutoshe dossier yangu mikono ya ule mwamuzi ule mishitumaini. Oui. Ndiyo. Mitasema munipeyo. Je vais réclamer mon dossier. Uyu bwana tuko naye mambo. C'est message de différent avec lui. Comment il peut me juger? Namna kani atani hukumu? Lui commettant les mêmes choses. Ya mwenye kutenda bitu moya moya pamoja na mie. Ça c'est selon la loi de ce monde. Mais que dire de ce trône-là? Mbele ya ile biti ya enzi ile. Comment on peut te donner de juger? Namna kani watakupacha rusa? Au moment où toi, wakati le weye, tu commets les mêmes choses. Na wako natenda makosa moya moya ile. Qui va vous donner le pouvoir? Nani ula takupatia mamlaka rusa? De juger? Ya kuhukumu? Si vous-même. Kama wewe mwenyewe. Vous êtes coupable et jugé. Huku mwenye kuhukumiwa na mwenye kuhukumiwa kabisa. L'église est avec moi. Eti kanisa nafuata. La Bible dit. Biblia nasema. Examinez-vous vous-même. Mwuri chunguze nini wenyewe. Pour savoir. Ya kujua. Si vous êtes dans la foi. Kama uku katika imani. Au hapana. Ce n'est pas au pasteur de vous juger. Ana pastoru wa kuhukumu. Hapana. Dans le secret, Musiri, vous y êtes seul. Huku wa mwenye peke yako. Seul avec votre conscience. Peke yako na zamiri zako. Soyez digne de juge. Upate kustahili kwa muamuzi. L'église est avec moi. Eti kanisa nafuata. Jugez-en vous-même. Ujihukumu kwanza wewe mwenyewe. Vous êtes debout. Kama huku mwenye kustahili. Jugez-en vous-même. Ujihukumu kwanza wewe mwenyewe. Si le Seigneur. Kama Bwana. A confiance de vous donner les dossiers déjà. Anakutumainia kupatie mambo ya bantu. Malheur. Ole. Obergé de ce siècle. Wabichungaji ya hii wakati. C'est honteux. Aba watumishi. C'est honteux. Nibo. Qui détruisent les maisons de fer. Jorona. banaribu manyumba banduku. Quel ordre! Haya kanile. Quel ordre! Haya kani. Paul dit, Paulo anasema, le Seigneur Buana nous a jugé dignes de nous donner le ministère de la réconciliation. Ya kutupatia mautumishi ya upatanisho. En êtes-vous digne? Eti munastahili ile? Vous pensez mawazo yako que cela ya kwamba sont seulement ceux qui manipulent le feu divin. Bale njobe kuna gusa tu moto ya Mungu. Seulement ceux qui prêchent. Non. Ni paka bale bale kuna ubiri. Apana ina tili. Non. Apana. Le Seigneur. Bwana. En vous donnant. Mungu mipatia. Cette vocation céleste. Lile mwito ya kimungu. Vous en fichez digne. Sema mounu stahili. D'être appelé. Mite. Enfant de Dieu. Batoto ya Mungu. Est-ce que l'êtes-vous? Êtes Mungu batoto ya Mungu? L'êtes-vous? Êtes Mungu batoto ya Mungu? Nous le disons puisque les frères sont à côté de me voir que je suis digne. Oubliez du fond du cœur. Nous ne sommes pas chrétiens par rapport à un autre. Si non. Nous sommes pas chrétiens par rapport à un autre. Non. Vous n'êtes pas saints par rapport à moi. Non. Nous sommes saints par rapport à la vocation. Nous sommes saints par rapport à la Bible. Kuangalia Biblia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il reçut le pouvoir de juger. Alipokea ruhusa ya kuhukumu. Pas du gouvernement congolais. Hapana ya serikali ya Congo hapana. Haikutokee ku serikali ya Congo. Ce n'est pas sorti du gouvernement congolais. Ce n'est pas le roi de la Belgique qui nous a donné, qui donnera ce pouvoir. Aina mufalme wa Belgique ali tupatie le Urusi hapana. Hapana. Pas même de quoi de l'ekumenisme. Ana tamungano wa makanisa ili tupatie le Urusi hapana. Hapana. Ni du pasteur, non. Wala ya pastori hapana. Ni du prophète Branham, non. Wala ya nabii Branham hapana. C'est le suprême magistrature. Ni wamzi wa yulu kabisa. Qui donnera ce pouvoir. Tutaleta ile uwezo. Lui, yeye, devant qui, mbele yake, rien n'est caché. Hakuna kitu hata kimoja kufuchama. Rien n'est caché. Hakuna cha kufuchama mbele devant yake. Lui, mbele yake, les ténèbres. Magiza. La lumière. Iko nuru mbele yake. Et quand je parle, wakati Mungu anasema, ton cœur te parle. Moyo wako nao utakuambia. Donne-lui la réponse. Umupatie jibu. Jean voit. Natuma. Jean. Ah, Yohane. Voit. Anaona. Les hommes. Bantu. Qui sont sur ce trône. Benye kwa paile kiti ya biti ya enzi. Reçu le pouvoir de juger. Malipokea rusa ya kuhukumu. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Na nikaona manasi ya wale walikatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda Yesu Kristo. Et à cause de quoi? Na kwa ajili ya nini tena? Et à cause de la parole de Dieu. Na kwa ajili ya neno la Mungu. C'est à cela que j'invite l'église. Joku ile mina ita kanisa. À se peser elle-même. Ipate kujipima yayo inyewe. Nous ne sommes pas venus à la parole. Atukuye kuneno. Pour seulement le bien. Juu ya kutafuta paka vizuri. Vous me suivez? Munanifuata? Nous ne sommes pas venus recevoir quelque chose de périssable à laquelle on peut donner ou non. Non. Tunawezi kuleta wala hapana. Hapana. Non. Hapana. Nous sommes venus répondre à une chose. Tulikuwa kujibia ku kitu kimoya. Sans connaître le retour. Bila kuchunga kupokea. Non. Bila kurudia nyuma. Ah, bila kurudia. On ne peut plus se rétracter. Hatuwezi tena kurudi nyuma. Vous me suivez? Munanifuata? À cette vocation. Oui, mwito. Ceux qui lui ont répondu positivement. Vale bari itikia mwito. Connaîtront une seule avancée. Batayua paka kusonga mbele. le retour kurudia nyuma impossible haitawezekana. Quel que soit l'obstacle devant nous, japo mabizuizo, le retour kurudia nyuma est impossible haitawezekana. Qu'il y ait une mer kukua hata bahari, qu'il y ait un océan kukua hata bahari munene, qu'il y ait une montagne kukua hata mulima, qu'il y ait une flamme de feu, on ne recule pas. S'il faut entrer dans la mer, entrons. Lui connaît comment il va nous sauver. Si c'est dans le feu, il faut entrer dans le feu. Utaweza? Sauras-tu? Ça, c'est un problème interne de chacun de nous. Individuellement. Hii ni mambo ya ndani ya kila mmoja wetu binafsi. Uliza nafsi yako. Si c'est devant le feu. Kama ni mbele ya moto. Suis-je prêt d'y entrer? Eti niko tayari niingiemo? Si c'est la mer. Kama ni bahari munene. Fatu accepter qu'on entre? Eti utetikia uingiemo? Eba pesa biloko ya elengi na munoko bazali. Baipeba kupesa biloko na bololo bazali. Bakuleta bitu ya butamu beku wako. Bakuleta bitu ya buchungu na wote na beku wako. Me, n'attendez pas que je vous amène quelque chose de succulent. Gédéon. On lui a donné de sélectionner pour trouver une armée digne. La masse ne lui disait rien. L'âge chronologique des fois ne lui disait rien. Ta masse ne lui disait rien. Ta relation avec le pasteur ne lui disait rien. Son problème, mambo yake, comment tu vas boire? Namna kanyu utakunya maji. J'ai vu des âmes. Aliona manafsi. Qui avait été décapité. Ile barikata kama shingo barikata vichwa. À cause du témoignage de Jésus. Kwa ajili ya ushuhuda Yesu. Et à cause du témoignage de la parole. Na kwa ajili ya ushuhuda ya neno. C'est-à-dire je vous invite. Manake mimi namialika. Accepte s'il faut mourir. Mwitike kama ni kufa. Mure à cause de la parole. Mwife kwa ajili ya neno la Mungu. Si vous évitez la mort. Mkiepuka lufu. Vous êtes indigne. Manake. D'être disciple de Jésus-Christ. Haustahili kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Si vous dites aujourd'hui, kama ukisema leo, ça moi je ne saurais pas. Ah, ibi mimi sitaweza. C'est correct. Ni mzuri. Sortez. Toka. Rentrez dans le monde. Urudie mu dunia. Et le monde va vous embrasser. Na dunia itakupokelea. Ceux qui doivent rester, vale wanapashi bakia, sont ceux ni vale, qui diront, vale, vous les femmes, vale watasema, mwoba na muke, kama bwana yangu na biacha, deke mo Maria abandonne, kama bukweli kufwa, même s'il faut briser les mariages, kufwe, que je les brise, combien sont-ils ici, ni vangapi vale beko hapo. Le frère qui part dans les fausses doctrines, nduku anendo mafundisha bongo, et les sœurs derrière, na badada wana mfata, minasema bongo, est-ce que je mens? Pour me caricher tout pasteur, c'est un pasteur. Il calme. Qu'on dit seulement pasteur, asseyez-vous. Il commence une autre église à côté là. Est-ce que la sœur va rester avec nous? Elle va les soutenir là où ils sont partis. Je suis venu parler au cœur de l'épouse. Mirkwa kusema na moyo wa bibi harusi. Je n'ai pas besoin de ramasser. Mishi na besoin na kufuatirisha. Si à cause du job, kama kwa ajili ya kazi, vous acceptez d'aller appeler les concubines du patron, unaitikia kwenda kuitia patron wako baabala, et s'il faut donner la tête, kama ni kuleta kichwa, Jésus, miliona, les âmes, manafsi, de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu et à cause de Jésus-Christ. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Cette marque, il est picha, que nous allons parler, il est tout à ses meseya. Ça ne sera pas attendre seulement les jours là, non. Aïta quoi, y'a kuchunga pagé les sikwa, pana. La marque que vous allez recevoir, picha elle otapokeya, dans cette église, mouikanisa, ceux qui vont refuser, bale watakatana, le baptême, un baptiso, au nom de Jésus-Christ, que nous allons faire, mujina Jésus-Christ, elle tafanya. Ceux qui vont les refuser, bale batakatala, je proclame, mina tangaza, ils seront marqués de la marque, batawatia muuri, pour leur perdition éternelle. Je vais kupatia kwavo kwa milele. J'ai vu les âmes de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Quoi que mort, ils revinrent à la vie. Alléluia. Ceux qui ont accepté la mort, j'allais voir revenir à la vie. Il reviendra la vie bakarudia, et régnera avec Christ pendant 1000 ans. Bakatawala na Christ miaka elfu. Amen. Amen. Mais ceux qui refusèrent d'accepter la mort, alakini bale barkatala bashikufwe, les autres morts, ababafu bengine, ne reviennent point à la vie, abakufufuka hapana, jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Kufika na pale miaka elfu lieneya. C'est la première résurrection. Hii ni ufufuko ya kwanza. Alléluia. Amen. À qui appartient la première résurrection? Il faut fufuko ya kwanza ni ya banani? Ah! Heri! Heri wao! Esther! Na batakatifu! Ceux qui ont part à la première résurrection! Venye kushiriki kufufuko. Alléluia! Amen. La seconde mort! Mauti ya pili! N'a point de pouvoir sur eux. Aina tena na uwezo yulu yabo. Et ils seront sacrificateurs de Dieu. Batakuwa bakuwani ya Mungu. Et de Christ. Na ya Christo. Ils régneront avec lui. Batatawala pamoja na aye. Pendant 1000 ans. Miaka elfu. Alléluia. Amina. Vous pouvez vous mettre. Munawezi kuikana. C'est ça la prédication. Njo maubiri. Le bonheur. Eri. Le bonheur. Ra. De la première résurrection. Ya ufufuko wa kwanza. Le bonheur de la première ya ufufuko, résurrection ya kwanza. C'est une vocation ni mwito de niveau très haut ya kimo ya yulu kabisa. Celui qui sélectionne. Ule kuna chagua. Ce n'est pas le pasteur. Aina pastori. Ce n'est pas le frère Chanza. Aina ndugu Chanza. Mais le sélectionneur. Aina ndugu mwenye kuchagua. C'est le Saint-Esprit lui-même. Ni Roho Mtakatifu yeye mwenyewe. À cette heure. Mwi wakati. Il vous parle. Anamiambia. Le bonheur de la première résurrection. Fura wala ra ya ufufuko ya kwanza. La résurrection. Ufufuko. C'est la parole certaine de Dieu. Ni neno ya uhakika ya Mungu. L'église est avec moi. Eti kanisa nafuata. Digne de foi. Yenye kustahili imani. La résurrection. Ufufuko. Est digne de foi. Inastahili tupate kuiamini. Amen. Digne de témoignage. Inastahili ushuda. Sa honte. Bila haya. Et c'est la résurrection. Na, ni ufufuko. Qui est le sceau de notre appel. Jo, muri ya mwito yetu. la résurrection. Ufufuko. Ici, apa, vous n'êtes pas appelé abamite pour préparer juu ya kutayarisha comment les cérémonies funéraires de votre mort se passeront. Namna kani mandamano ya kilio yako itafanika. Siku mitakufa. Le jour que je mourrai. Bani ndiyeko. Qu'on chante pour moi. Pumbafu. Tu es insensé. Qui va acheter ce jour-là un cercueil bombé pour moi? Nanu atanyuzi ya cercueil moi ya kabaile li kwangu mie. Mujinga. Tu es insensé. Qu'on t'emballe dans un sac. Bakufunga ta mumufuko. Dans une natte. Wana mukilako. Tout cela reste toujours la même mort. Ile yote ile tabakia paka lufu moya moya. Alléluia. Amina. L'église véritable de Dieu. Kanisa ya kweli ya Mungu. Ne prépare pas comment on va vous plaire. Aitarishake namna kanibana. Mais l'église de Dieu. Lakini kanisa ya Mungu. Prépare. Una tayarisha. La résurrection des saints. Ufufuko ya watakatifu. Nous venons vous annoncer. Tunakuwa kumitangazia. Le moyen et le bon. Na namna na manjia. De votre résurrection. Ya ufufuko yenu. Alléluia. Amen. Certainement. Akika. Si, comment nous pouvons parler de la résurrection? Tout à ce matin, Julia Ufufuko. En mettant la mort. Nakusabu kusema kulufu. Non. Apana. Je ne parle pas de fantomisme. Michi seme mambo ya ba fantôme apana. Nifu, anifufu, muzimu, non. Mambo ya mizimu apana, le fantôme, non. Je vais parler de la résurrection. Nuna seme ya yulu ya ufufuko. Le fantôme effraye. Mba mizimu kuna le shikirisha na boka. Mais le ressuscité. Lakini wenye ufufuka. Donne la conviction. Kuna leta kikisho. Pourquoi? Juu ya nini? Ceux qui sont ressuscités. Wenye ufufuka. Oh, la capacité de communion. Beko na uwezo ya kushiriki na. L'église est avec moi. Kanisa na fata. Frémissement maungu na nitembei. J'ai senti le frémissement du corps. Nimijimu yile. Ce sont des fantômes que tu as vus. Lazare était ressuscité. Lazare yari fufuka. Il a réintégré la communion avec Marthe et Marie. Alléluia. Marthe et Maria. L'église est avec moi. Kanisa na fata. Si tu ressuscites. Kama ukifufuka. Tu vas rentrer dans ta maison. Utarudia tena munyumba yako. La vie avec ton mari va continuer. Maisha tendelea pamoja na bwana yako. Achita kuogopa. Il n'aura pas peur de toi. C'est de cela que nous allons parler. Joigné, il est pas tout à semer. Apana mambo ya mijimu, apana. J'ai entendu le feu bouger. Il kashika mayani na tenka. Anatoka mizabimbi. Il est sorti avec une tonge blanche. Ninini ile. Ça n'a pas de part dans la parole de Dieu. Aina na sehemu muneno la Mungu. Même vos fausses croyances. Hata mama wazo ninyi munaamini vya bongo. Comme le mari est mort, ça vile bwana anakufa. Ne mange pas encore. Ushikule mbele. Tu risques de l'avaler, bumba. Utakuwa kumumeza, tu es insensé. Tu vas l'avaler comment? Utamumeza namna gani? Quand il t'embrasse. Wakati alikuwa anakukumbatia. Hakuna possibilité de l'avaler. Hakukua namna kumumeza. Mort. Sasa anakufa. Il n'a pas de mouvement. Ana anakupenga. Sasa utamumeza je? Sont des mensonges. Ni bitu ya bongo. Sont des coutumes de vos parents. Ni mama coutume ya l'église. Kanisa. Et appelé de sortir. Il a été étonné. De toutes ces coutumes là. Il est ma vie c'est la yote ya kikutia kikata. Sont des vanités. Ni bitu ya ubatili. C'est du sable mouvant. Ni mumpe. Ça n'a pas de fondement dans la parole. Adina na msingi. Muneno la Mungu. Venez. Kuyeni. Le pasteur va enlever la bague. Pastori atakutosha bague. Pour mettre fin à la communion avec votre mari qui est mort. Apate kukata ushirika na bwana yako ule alikufa. Unaitosha wapi? Où est-ce que tu as tiré cela? Banayanjika wapi? On a écrit cela où dans la Bible? Quand il y avait cette alliance. Wakati kulikuwa ile c'est le pasteur qui mettait ça au doigt. Eti pastori ndio akufika kile mpete. Sont des terroristes. Ni le ni makutete mecha kwa bantu. Vous êtes prédicateur. Uko mumbiri. Vous êtes pasteur. Uko pastori. C'est la parole qui vous a établi. Ni neno la Mungu ndio ilikuweka. Et Paul dit, Paulo anasema, prêche la parole. Waye mumbiri tu paka neno. Dites à l'église, c'est que disent les écritures. Kile maandiko yiku nasema, nous sommes une église qui a comme fondement la Bible. Tuku kanisa yenye kuwa na msingi Biblia. Alléluia. Amina. C'est pourquoi nous prêcherons la résurrection. Donc maintenant tu t'aubiri ufufuko. Alléluia. Amen. La résurrection. Ufufuko. Et la victoire. Ni ushindi. Alléluia. Amen. La résurrection. Ufufuko. Et la victoire. Ni ushindi. La victoire sur quoi? Ushindi yule sur la mort. Yulu ya lufu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dio. Seuls ceux qui sont morts Pakatu bale bali kufa peuvent ressusciter. Jomana wezi kufufuka. Ces jours-là, il est si court. Comme dit Paul. Paravile Paulo anasema. Ce ne sont pas les vivants qui vont connaître la transmutation avant les morts. Aina benye kwa wajima njo watageuka kumbele ya wale walikufa hapana. Les morts d'abord vont ressusciter. Kwanza ni wafu njo watafufuka. Le saint de Kambov. Batakatifu wa Mkambov. Verront le saint de Kambov qui était mort. Bataonaka batakatifu wa Mkambov wale walikufaka. Vous me comprenez? Muna nisikia? Vous les verrez, alors vous saurez que l'État est là. Alléluia. Amen. Kama tukuone, si on ne te voit pas, on a osé y amour. Alors tu es pourri pour dire bon. Kama tukuone, si on ne te voit pas, la deuxième mort va avoir le pouvoir sur toi. Il t'a quoi na ouez yulu yako. Kama tukone, si on te voit pas c'est que le message de ton temps manake, ujumbe wa wakati yako, n'avait pas trouvé place à toi. Haikupate fazi ndani yako. Alléluia. Amen. Tous ceux qui n'auront pas à la première résurrection sont ceux qui avaient pris le message de leur temps à annoncer leur vie. Na kutangaza maisha yabo. Oui. Dio, uifanya na kwa maisha yabo. Le message de chaque âge. Ujumbe ya kila wakati. A les armes offensives et défensives. Inekalaka na masila ya kukombana nayo na ya kujikinga nayo. Alléluia. Amina. Aujourd'hui pour vaincre le monde. Leo jua kushinda dunia. Le message de Branham. Ujumbe ya Branham. A tous les éléments. Iko na vyombo vyote. Pour vaincre. Jua kushinda nayo. Amen. Alléluia. Amina. D'ailleurs, Tena, Japo, je vais vous aider. Tamisaidia. Quand nous voyons comment tu t'habilles, wakati tukunaona namna kani kuna voana, tukunaelewa. Que le message a trouvé place ou non? Ya kwamba ujumbe napata fazi au hapana. Quand nous voyons comment est conduite votre maison, na, wakati tunaona namna kani nyumba kuinaongozwa, tunaelewa. Que le message ya kwamba ujumbe a trouvé place ou non? Inapata fazi au hapana. Alléluia. Amen. Et comment parler de la mort? Sasa tasema je yule alufu? Si il n'y a pas eu au préalable la vie. Kama kwanza kukwe bushima. Vous me suivez? Mona lifuata. Un avorton. Kabishi yule barizari kwa mwenye kufa. On doit parler de la mort? Et si tasema mambo alufu? Non. Apan? Que le pita pita. Il est passé outre. Quand un enfant vient au monde, wakati mtoto anazalika, il doit manifester la vie. Kwanza anapashi kuonekanisha buzima. Quand il va crier, wakati atalia, on dit il est vivant. Wanasema yuko mzima. Même après 2 heures, atakisha masaa mbili. S'il s'éteint, kama akikufa, on dira il est mort. Watasema anakufa sasa. L'église est avec moi. Kanisa inafuata. Est-ce clair? Et tu dis quoi? C'est en cela qu'on va dire. Je parle batasema. La vie. Mbujima. Et la guérison. Na utunzo. C'est l'exclusivité de Dieu. Ni bintu tu paka bia Mungu. Mungu peke njo anaweza. C'est Dieu seul qui peut donner la vie. Je répète. na isema tena, la vie bujima, et la guérison na utunzo, c'est Dieu seul qui en est l'auteur. Ni paka Mungu ndio kuna biweza. Frère Nduku umumwetu mukambove kambove kunekalaka bamifumbe kunafanya tubitu batu kunatembea nikulu inangela kumuko isi chenua kambove enda onesha vankambo ya des charlatans qui font des histoires qui peuvent marcher parler qui a donné vie à ces créatures là ni nani arleta bujima kutule tubintu nani qui celui là depuis que le monde est monde tangia dunia ikuwako. Il n'y a jamais eu de créatures supplémentaires en dehors de ce que Dieu a fait. Akuya kuyaka tuzunji kutosha mobile Mungu alimba. Alléluia. Amina. Même Satan lui-même. Ata shetani mwenyewe. Ne se crée pas des éléments pour agir. Ashidumbi yake bintu jua pate kutumika navyo. Il utilise. Eko natumikisha. Le sujet que Dieu a créé. Pata biumbe vile Mungu aliumba. Et il agit par eux. Na eko natenda kupitia biumbe ya Mungu. Ya Mungu shamba la Eden. Na nazi na Odisee. Kika na mkizazi la Adikia. Nous allons nous tirailler. Et tu vas m'haïr. Puisque je vais briser les coutumes de Bankambo yako. Nous t'avons déjà ma visée de vos aïeux. Ce sont elles qui rendent impuissante la parole de Dieu. Le mélange de la parole de Dieu et les coutumes font que la parole soit impuissante. Je vous l'apprends, neno la Mungu aina na uwezo tena. Je suis stérile, c'est puisque il y a ma tante qui a mis une viande dans mon ventre. Kumbuku na tupa wakati hapa. La vie, bujima, et la guérison, na utunzo, sont l'exclusivité de Dieu. Ni paka Mungu peke yake ndio kuna biweza, hakuna mtu. La guérison, utunzo, la guérison, utunzo, c'est une récréation. Ni kuumba mala ya pili. La guérison, utunzo, c'est une récréation de cellules. Ni kuumba mara ya pili. Kwa ile maseli machembe ilikufa. Mungu kana taumba maseli. Quel est ce devin là qui peut créer des cellules? Ata banganga. Qui sont venus de l'université de Louvain. Ale watoke ku université ya Manungu. Bali yesi kama. Le Dieu. Paka Mungu peke yake. Janawezi kuleta bujima. Paka Mungu. Janawezi kutunza. Et c'est Dieu là. Na ule Mungu. Son nom. Jina lake. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Alléluia. Amina. L'église est avec moi. Et que nous sommes dans Fata. Lisons la Bible. Tout ça, mes Biblia. Prenez vos Bibles. Tu gouènes ma Biblia yen. Jean. Yohane sura ya kwanza. Jean parlait de ce qui s'était passé au commencement. Yohane a quoi nasema bile bifanika kumwanjo. Jean 1 commençons à son verset 1. Yohane au commencement. Kumwanjo était la parole. Kulikuwa neno. Et la parole. Na neno. Était avec Dieu. Ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole. Na neno. Était Dieu. Ilikuwa njo Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Ilikuwa kumwanjo pamoja toutes na Mungu. Toutes choses ont été créées par elle. Vitu vyote viliumbiwa na yeye. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Na kuna kitu kiliumbiwa bila neno. En elle. Dani ya neno. Était la vie. Mulikuwa bujima. Et la vie na bujima était la lumière. Ilikuwa ni nuru ya watu. Amina. La vie bujima ne se trouve nulle part. Hamuna fasi ingine. Sauf dans la parole de Dieu. Isipokuwa tu ndani ya neno la Mungu. En dehors de la parole de Dieu. Inje ya neno la Mungu. C'est la mort. Ni lufu. En dehors de la parole de Dieu. Inje ya neno la Mungu. Ni lufu. Dans la parole de Dieu, Dani ya neno la Mungu, c'est la vie. Njo Mungu mzima. Amen. Amina. Deuxième témoignage. Ushuda ya pili. Psaume chapitre 3. Zaburi 103. Zaburi 103. Mon âme, nafsi yangu, béni l'Éternel, ubariki wa milele. exhorte aussi ton âme. Usubutishe nafsi yako. Prie pour ton âme. Ombea nafsi yako. Même la chorale. Hata kwa yo. Quand on dit de prier. Wakati wanasema muombe, muombeni. C'est un temps de communion avec Dieu. Wakati ya kushiriki na Mungu. On dit prier tant que vous vitez dirindirindi. Wanasema ombe, wewe kwa ujita. Unaomba wakati gani? Prie pour ton âme. Ombea nafsi yako. Prie pour ton âme. Ombea nafsi yako. C'est la chose la plus précieuse. Ndio kitu ya damani sana. Est-ce que vous me suivez? Comme on a dit que ça vous amour. Donc si vous en savez la parole de Dieu. Chose, tu dois prier pour ton âme. Kitu ya pili na fashi kombea nafsi yako. Mon âme. Nafsi yangu. Béni l'Éternel. Umusifu wa milele. Prêche aussi à ton âme. Ubiri neno nafsi yako. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ushisabu kitendo kyake kema takimoya. Mon âme. Nafsi yangu. Ce que nous sommes. Kile tuko. C'est Dieu. Ni Mungu. Éloigne de ton âme l'orgueil. Ondosha kiburi mu nafsi yako. Tu vas la tuer. Utayua. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Yeye ndiye konasame mauovu yako yote. L'iniquité est différente du péché. Uovu inaachana na dhambi. Mnanishikia? Est-ce que vous m'écoutez? Vous me comprenez? Je parle à l'église. Niko nasema kanisa. Le péché, dhambi, c'est une chose. Ni kitu kimoja. L'iniquité, uovu, c'est une autre. Ni kitu kingine. L'iniquité, uovu, c'est ce que nous les croyants nous commettons. Ni kile shiba aminifu tu kunatenda. Qui pêche ne connaissant pas que tu sais que je suis en train de faire est mal. Nani unatenda kasambi bila kujua si mimi unafanya mbaya. Nous connaissons ce qu'il faut faire. Tunajua kiasi kufanya. Mais nous faisons le contraire. Lakini tunafanya kinyume. L'iniquité. Hii ndio uovu. L'église est avec moi. Kanisa mnafuata. C'est Dieu. Ni... En qui nous avons cri. Ule Mungu mwenye tuliamini. Il est capable de pardonner et les péchés et les iniquités. Eko na uwezo ya kusamehe na dhambi na uovu. Alléluia. Amina. Qui est Dieu comme lui? Nani eko Mungu sawa yeye? Et toi qui exhortes. Na we mwenye kusubutishi. Limite-toi sur les écritures. Ushimamie paka pa maandiko. Si la chose ne t'a pas été donnée. Kama hiki tu mbakupatie. Arrête-toi de le faire. Ushimame ushikifanye. Vous échouez. Unashindwa. Puisque vous n'avez ni la parole de Dieu. Jua, unatana neno ni la Mungu. Ni les recommandations divines. Hauna tana uamuzi ya kimungu. Amri ya kimungu. Aba tu aba jua aba tu vego na tambulisa kanisa. Shetani tu usele ni ba shetani. Ce sont ces gens ici qui font outrager l'église. C'est le diable. Shetani tu afanye nini? Ati exhorte Satan pour qu'il fasse quoi? Nous avons reçu un ministère. Tulipata mautumishi. De la réconciliation. Ya upatanisho. Nous réconcilions l'homme. Tukunapatanisha mutu. Et son Dieu. Na Mungu wake. Alléluia. Amina. Faites-le. Oui, fanye. Avec une plénitude d'amour. Na upendo wa kimungu. Amen. Amina. Pas d'amour. Bila mapendo. Votre exhortation est stérile. Subutisho yako. Amina na matokeo. Ni abule. Arrête! Simamisha! Sina na pale manda! Hauna na ile rusa hawa kupatia ile kazi. Satebo. Hivi ni vizuri. Hata unakatala. Même si tu le refuses. Nita isema tena. Moi je vais encore le dire. Basta semita sema juwa unapenda. Ne kurafake je vais dire puisque toi tu aimes. Non. Je vais le dire, Dieu, ni neno la Mungu. Nous sommes ministres de la parole. Tout va tumishi ya neno la Mungu. Ce n'est pas pour le futur. Ce n'est pas cause d'amitié avec les pasteurs. Pana, pana. Mambo ina pasteur. Le problème, ce n'est pas le pasteur qui peut te connaître. Ce qui est essentiel. Il faut que Dieu te connaisse. Kujulikana na Mungu. Être connu de Dieu. Sympathiser avec sa parole. Il est ni kushiriki na neno lake. Mon âme, nafsi yangu, béni l'Éternel. Umusifu wa milele. Souviens-toi de tous ses bienfaits. Ukumbuke matendo yake mema yote. Ni yeye. Qui pardonne tes iniquités. Je connais samé uovu yako. C'est lui. Ni yeye tena. Qui te guérit de toutes les maladies. Je connais kuponya na magonjwa yote. C'est lui. Ni yeye. Qui délivre ta fille de la force. Anakomboa bujima kutoka shimo. qui te couronne de bonté et de miséricorde. Narema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun. Kila mmoja a un ministère pour son âme. Eko na utumishi juu ya nafsi yake. Ndai a le ministère pour l'église. Ndai eko na utumishi juu ya kanisa. Wewe una ministère pour ton âme. Wewe eko na utumishi juu ya nafsi yako. Alléluia. Amina. Maintenant nous comprenons que sasa tunaelewa ya kwamba la vie est une réalité. Bujima ni mambo ya kweli. Si tu naijua. Nous le connaissons, n'est-ce pas? La mort. Lufu. Est une réalité aussi. Ni mambo ya uhakika nayo. La guérison. Utunzo. Est une réalité. Nayo ni uhakika. La résurrection. Ufufuko. Est une réalité. Ni uhakika pia. Mais il arrive que les gens nous oublions que la mort existe. Anawakini, iku nafika watu wanasabu ya kwamba lufu lukwako. Vous pensez qu'un homme qui fait la folie dans les femmes et dans les bêtises que vous connaissez. Anafanya bazimu mbana muke na biabu chafu bile munayua. Lorsqu'il est dans les bars, en train de danser. Il pense que dehors il y a la mort. Anawazia sa pale inje, lufu lukwako. Il a oublié. Anasabu, asema lufu lukwako. C'est ce qui saisit aussi les soi-disant croyants. Jo ile kuna shika na vale, c'est ce que tu fais là, arrête. Même s'il faut aller en enfer, j'irai. Tu es comme cet insensé qui est au bar. Lorsque tu iras en enfer, qu'est-ce qu'il y aura comme diminution en Dieu? Nini le ta mupunguzia ko Mungu? Rien. Qui va perdre? Nanu la tapotez. Vous allez en enfer. Unenda mumoto. Jésus reste 100% Dieu. Yesu anabakia paka vile Mungu. Tu abandonnes l'assemblée. Unaacha kanisa. Jésus reste 100% Dieu. Yesu anabakia Mungu paka vile ne kanisa. Enda nous. Ni kwetu. Enda nous. Ni kwetu sisi. Des signes liés devant sa volonté. Jo tunapaswa kunyenyekeza mbele ya mapenzi yake. Alléluia. Amen. Il faut certifier ces choses. Inapashi kuhakikisha hivi vitu. Parce que la Bible nous en donne le mandat. Kwani Biblia inatupatia ile uzito. Mwelewe kwanza namna kaniambia. Lizo mpe Job. Tusome kwanza Yobu. Job 30. Yobu sura 30. Job 30 va Yobu parler. Sura 30 naye atasema. Commence à son verset 22. Tu me soulèves. Tu me fais voler au-dessus de vent. Il y a un jour que tu vas voler au-dessus des vents. Comme les carcasses d'un avion. Tu m'écrases au bruit de la tempête. Unaniponda kupitia kelele ya zoruba. Kwani? Je le sais. Minaijua. Tu me mènes à la mort. Unanipeleka kulufu. Au rendez-vous de tous les vivants. Umapatano ya bote venye kwa ai. L'église est avec moi. Etikanisa inafuata. J'ai dit. Nilisema. Hatuwezi kusema yule ya lufu. Kama tukuyue bujima. Unanipeleka mapatano ya bote wengi kwa bazima. Me. Alakini. Celui qui va périr. Ula atakufa. N'étant-il pas les mains? Eti ashinyoloshe mikono. On t'exhorte. Bana kusubutisha. Une fois sur la voie de la perdition. Weye huku munjia ya lufu. Unanyolosha mikono yako. Cherche un secours. Utafute msaada. Devant la mort. Mbele ya lufu. Tous. Bote. Tous. Bote. Enfants et fils d'Adam. Batoto na batoto ya Adamu. Impuissants. Atuna na uwezo. Étendons nos mains. Tunyoloshe mikono yetu. Vers le fils de Dieu. Mbele ya mwana wa Mungu. Alléluia. Amen. Lui. Yeye. Peut vaincre la mort. Anawezu shinda lufu. La vie. Na kutupatia bujima. Celui qui est dans le malheur. Mwenye kwa katika ole. Ne plore-t-il pas le secours? Eti ya shilombe msaada? N'avais-je pas de larmes pour l'infortune? Eti sikuwe na machozi kwa ajili ya mateso? Mon cœur, n'avais-tu pas pitié de l'indigent? Eti moyo wangu haikushikiria buluma mtu wa mateso? J'attendais le bonheur. Narukwa na chunga eri ra. Et le malheur est arrivé. Lakini ole inanishika. J'espérais la lumière. Narukwa na tumaini ya nuru. Et les ténèbres sont venues. Lakini magiza inakuja. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Tumbo yangu inaugua bila kuacha. Les jours de la calamité m'ont surpris. Siku ya mateso inanishitusha. Je marche noirci. Natembea mwenye kwa mweusi. Mais non par le soleil. Alakini apana na jua kwa jua. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Nalamuka katikati ya hekalu na kulalamika. Je suis devenu le frère de chacal. Na kuwa tu nduku yake ya mbweha. Le compagnon des Autriches. Mshiriki wa ule Autriche. Ma peau noircie et tombe. Na ngozi yangu inakuwa mweusi na inaanguka. Mes os brillent. Et se dessèche. Mifupa yangu inaugua na inakauka. Mon âme, ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. Na kinanda yangu inakuwa tu ni chombo ya kilio. Et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Na kinanda yangu iko naleta paka mulilio ya kulilia ya kuhuzunika. Alleluia. Amen. Amen. Nous ne sommes pas Adam et Ève. Sisi atuna Adam na Eva pana. Bon. Avait reçu la connaissance de la mort comme une prophétie. Baripata ufamu ya lufu sawa unabi matabiri. Il ne connaissait pas en réalité qu'est-ce que c'est la mort. Katika ukweli abakujue lufu ni nini. Mais toi et moi. Alakini we na mie. Nous la connaissons. Tunesha jua lufu. Elle fait fureur. Kwani yo ikuna tetemesha sana. Pourquoi utacha ubumbafu kufunike macho? Comment est-ce que tu vas? Tu ne pas laisser la stupidité fermer les yeux. Ecclésiaste 7 pour terminer. Mubiri sura 7 juu ya kumaliza. Depuis son premier verset jusqu'au verset 2. Kwanza mstari ya kwanza na ya pili. Une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Kavumu mzuri kuya mzuri kushindia manukato mema. Est-ce que vous me suivez? Eti mnanifuata? Une bonne réputation. Kavumu ya mzuri. Dépasse l'odeur du parfum. Inashindia harufu ya manukato ya harufu njema. Matendo yako. Vos actes. Bitendo vyako. Ikuna chafua kanisa ya Kambove. Quelle est la réputation qu'on nous porte? Ni kavumu kani ile tukunaleta. Elle faut l'atteindre cette église. Kwani kunaleta haya kui kanisa. Et le jour de la mort. Na siku ya lufu. Que le jour de la naissance. Inashindia lufu ya kuzaliwa. Mieux vaut aller dans une maison de deuil. Iko mzuri kwenda mu nyumba ya kilio. Aller dans la maison de festin. Kuliko kwenda mu nyumba ya karamu. Kwani? C'est la fin de tout homme. Ndio mwisho ya mtu wote. Et que celui qui vit. Na mwenye kuishi. Prenne la chose à cœur. Apate kusopoka ya kwamba atakufa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen.